Vu de l'intérieur, je suis des manottes. C'est un tout pour une partie d'un tout. Pour arriver au bout et assembler l'ensemble. Et finaliser pour un contrôle technique. Refrain. Je sais qui je suis, je sais où j'en suis. Je sais ce que je vis, je sais où je veux aller. Je sais ce que je peux et vaut, je sais où je veux aller. Plus de problèmes car je n'en ai plus besoin. Que sur la chasse d'eau j'amène et je m'amène les problèmes. Car l'argent c'est juste à te faire dépasser et se justifie à ton prochain règlement. Un pouvoir pour croître et accroître te laisse croire que tu as besoin de ce besoin. Donc brasser de l'argent pour jouer et s'en débarrasser, il y en a assez. Juste une pause, juste une réflexion sur chaque situation. Être sage fait partie d'un ensemble qui compose la démanote. Un savoir c'est savoir ce qui est essentiel et pas superflu. Frimer avec des choses simples, ox, car compliqué de se mélanger pour bien se faire voir qui est pour qui et avec quoi. Matérialisme, ton style de vie inventaire, t'es un fait complexé car compliqué de gagner l'argent. Parce que l'argent dérange à la pesée, et ça résonne dans la société. Se suffire à soi-même et d'être élaboré des manottes, je te reproche. Je rentre compte que c'est correct et parfait, je me connais pour ce faire. Et je puise dans mes ressources que j'ai cultivées en temps et en heure. Qui est avec qui partage les mêmes intérêts, c'est inédit. Tu donnes, je donne, tu donnes, voici ma donne. Vu de l'intérieur, je suis des madottes. C'est un tout, une partie d'un tout. Pour arriver au bout et assembler l'ensemble. Et finaliser pour un contrôle technique. Donc seul ou jouer à usuel, suspect, c'est suspect. Je donne le respect, rien à secouer de ton avis. Je m'en balance, ox, et tout se provoque. Comme Minou, qui pose, qui ose sur une feuille à quatre. Je roule sans difficulté, je suis bien assis aussi. Il faut que tu saches les bras ballants. Alors foncer ou fonder le destin, c'est restreint, solo. La reconnaissance et l'ignorance, c'est de la construire petit à petit. C'est pas s'éparpiller, la régularité est de mise. Chaque situation a sa solution, tout faire au tour par tour. Ou devenir maître par la maîtrise d'une solution, j'y travaille. Pour être et partager un niveau de connaissance techniquement plus intéressant. Je prends, je trie, je garde ce qui m'intéresse, personnalité. Vu de l'intérieur, je suis des madottes. C'est un tout, une partie de tout. Pour arriver au bout et assembler la sable. Et finaliser pour un contrôle technique. Vu de l'intérieur, je suis des madottes. C'est un tout, une partie de tout. Pour arriver au bout et assembler la sable. Et finaliser pour un contrôle technique. Je suis un chien, le chien, chez chien, je joue, je sais aller au-delà de mes limites. Chercher le courage chaque jour, encourager, motivation, la limite de ma personnalité. Je connais, j'ai hacké Google avec le mot des manottes. Tu peux chercher, tu me connais pas, toujours imprévisible. T'as beau chercher, c'est déjà dépassé. Vu de l'intérieur, je suis des manottes. C'est un tout, une partie de tout. Pour arriver au bout et assembler la sable. Et finaliser pour un contrôle technique.